Et c'est le soir, comme je l'ai dit, que quelque chose est venu. J'ai vu le vieux avec l'autre gars, qui s'appelait Michel, qui discutait. Michel, c'était un énorme type, dans le genre des bouchers qu'on voit dans les abattoirs. J'ai jamais vu un de ces abatteurs de bestioles faire moins d'1m80. Des types à la gueule très rouge, au lobe écarlate, qui me dégoûtaient quand, quelquefois, j'allais chercher, rue de la mairie, là où il y avait l'abattoir, la petite fiole de sang pour la vieille. Le premier jour où je suis arrivé, l'oncle n'était pas là. C'est lui qui avait promis de charger du ravitaillement en résineux. Le toubib avait décidé que il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Seulement la creusotte, qui filait un ulcère à la vieille et l'estomac, qu'en plus du lait qu'elle devait se taper, le plus possible, le sang des chevaux ou le sang des vaches, mais surtout des chevaux, c'était un abattoir à chevaux. Le sang des chevaux, c'était bon. Alors dans une petite fiole à sirop, vide, il avait dit qu'il fallait aller aux abattoirs. Il avait fait un papier, donné tous les jours la petite bouteille de sang. Et moi, je connaissais l'abattoir, et le lendemain matin, l'oncle ne s'est pas présenté à la cave. On m'a envoyé le chercher dans la petite piole qu'il avait là-haut sous les toits. L'oncle n'était pas là. Il n'était pas rentré de la nuit, il avait bouffé la consigne. Le vieux s'est barré gratté. La grand-mère, elle, ne pouvait pas aller à l'abattoir, elle avait peur. Alors la vieille urbe, c'est rien. Demain, Edouard, il ira. Et à la fois intrigué, excité, affolé, parce que pouvait être un abattoir. J'en avais entendu parler. J'avais vu une image en même temps que j'en avais entendu parler. Les bêtes qui arrivaient dans des camions, ou bien qui suivaient les unes derrière les autres, un charretier qui claquait son fouet. Les bêtes qui passaient devant chez nous en arrivant de Chartres ou d'ailleurs. Des bêtes qui marchaient à un pas très lent, fatiguées, qui se dirigeaient vers la rue de la mairie, pas très loin de l'église. Je savais qu'elles rentraient là-dedans en marchant, et quand on les revoyait, c'était complètement déplumé, sans la tête, les pattes arrière en l'air, retenu par deux énormes crochets et tout le bide ouvert, vidé des tripes. Et sur la boucherie, il y avait au-dessus une grosse tête de cheval qui ricanait, toute dorée. L'abattoir, c'était donc ça, une transformation d'un cheval. D'un cheval avec ses poils et d'un cheval qui restait sans ses poils. D'un cheval qui était chaud, qui marchait avec des gros naseaux qui crachaient des nuages de brouillard. Et ensuite des morceaux de bidoche qui rentraient dans mon assiette, qu'on déroulait d'un bout de papelard. Alors j'ai pris la petite fiole, puis je me suis taillé dans la direction des rues de la mairie. Et là-bas, j'avais retrouvé l'abattoir tout de suite, avec sa grande porte, son grand portail en fer. Et là, comme dans toutes les usines, il y avait un gardien. J'ai présenté le papier que j'avais, puis dans l'autre main, j'ai montré la petite bouteille. Le gars, il a lu, puis il m'a dit, bon ben, tu vois, tu vas aller là-bas, tout à fait dans le fond, c'est là. Tu vas dire que je suis d'accord, tu vas donner ta petite bouteille à un homme, il va te la remplir, puis tu reviendras demain. C'est ta mère qui est malade. Alors j'avais pas répondu. Il me parlait encore quand déjà j'allais dans le fond. Je traversais la cour, une cour toute pavée, avec du crottin. Un type avec une brouette et une pelle qui essayait de ramasser ça. Et quelques piafs qui picoraient là-dessus. Devant le grand bâtiment, je me suis arrêté. Et puis j'ai poussé une porte. Ce que j'ai tout de suite eu en pleine gueule, c'est l'odeur. Une odeur extrêmement particulière, inconnue. J'ai pas pu comprendre que c'était des litres et des litres de sang qui coulaient dans une toute petite rigole, qui était à l'origine de cette odeur-là. Et après l'odeur, j'ai ouvert les yeux parce que je les avais fermés, ou bien j'ai vu alors que je ne voyais pas. Là aussi, dans le fond, des bourrins par terre. Alors je pourrais pas m'arracher les yeux de ça. Il n'y avait pas d'homme tout de suite là dans l'immédiat autour de moi. Impossible d'avancer, bien sûr. J'arrivais pas à détacher mes yeux. Bouger encore un peu. Il y en avait quatre. Dorouin qui n'arrivait pas à se calmer. Et les hommes qui tournaient autour. Puis qui ensuite l'ont retourné, d'un côté puis de l'autre. Qui chantaient des grands coups de sabot. Ces derniers coups de sabot. Coups de sabot dans le vide. C'était fini. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû tourner un peu la tête. Et j'ai vu d'autres bourrins qui leur tournaient le dos. Autour du cou, il y avait une corde qui les tenait très serrée à un énorme anneau. Des bourrins qui ne bougeaient pas. Pas plus la queue que la crinière. Des bourrins qui n'étaient pas encore par terre. Et j'ai vu le sang. Et quand j'ai vu le sang, il y a un des bouchers qui m'a vu tout au bout. Il est venu vers moi, puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Alors j'avais ma fiole à la main et pour parler, pour répondre, je lui ai tendu. Il l'a pris et je suppose que quand un type vient de tuer une bestiole, il y a un petit moment de vide. Alors il l'a tourné dans ses pognes, des pognes qui avaient déjà du sang. Des grands tabliers bleus mais avec des taches noires dessus. Ah mais qu'est-ce que tu veux? Alors là, j'ai retrouvé la parole et je lui ai dit, le gardien, il m'a dit que c'était d'accord. J'y ai amené un papier. Ma mère est malade. Ah, c'est pour ta vieille. Ah, bah ça va lui faire du bien. Ah, je t'assure, Ptio, t'as pas à avoir peur. Tu verras, elle va trotter comme un lapin bientôt. Tiens, regarde. Il m'a pris par le bras, puis il m'a rapproché. Rapproché de ce qui était devenu une sorte de scène en miniature. Une scène sans tourbillon. Mais la scène comme quand on allait la voir et qu'on savait qu'elle était en crue. Que la crue commençait. Que lentement sur la berge, on voyait les troncs d'arbres descendre. Alors le sang me donnait la même sensation, la même impression. Son niveau montait. Les quatre bourrins devaient se vider. Il a incliné la petite bouteille en la faisant rentrer un peu dedans. Il tenait sa main un peu au-dessus, avec le pouce et l'index qui barbotaient dedans. Il l'a rempli, puis il m'a fait remarquer que j'avais pas de bouchon. Alors il a cherché dans ses poches et puis il m'a dit « Attends, tiens la bouteille ». Alors j'arrivais pas à décoller mes mains, de le long de ma culotte. Il m'a dit « Prends la bouteille, quoi. J'ai pas de temps à perdre. Tu sais, ici on s'amuse pas. Allez, puis on prend la bouteille. N'aie pas peur, c'est presque froid. Puis t'as pas à voir les jetons, t'as déjà vu du sang. Et quand il est parti, j'entendais encore « t'as déjà vu du sang. Et lui, quand il marchait, ses pieds, ça faisait « t'as déjà vu du sang ». Et j'ai regardé un petit peu les chevaux là-bas. J'avais presque envie de me dire aussi, t'as déjà vu du sang. Et la petite bouteille dans ma main, elle devenait un peu tiède. Et il y avait du sang autour. J'ai essayé d'écarter un doigt, un deuxième doigt, et déjà ça collait. Le loup Chebem, il est revenu. Il avait trouvé ce qu'il fallait. Alors il a tapé sur le bouchon. Puis comme il a vu que j'avais du sang sur les mains, il m'a tendu son tablier. Puis il m'a dit, allez, mets tes petites manottes là-dessus. Alors j'ai essuyé en les tournant d'un côté puis de l'autre. Puis il a fait très propre la bouteille, bien astiquée. Il m'a dit « Alors à demain, Ptio !» Puis il m'a dit « Demain !» t'y ferais goûter.